Fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour ou bonsoir. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute. Voici les grands titres de cette édition. Sur 400 cas de Mpox testés positifs, aucun décès n'a été déclaré au Burundi jusqu'ici, se réjouit le directeur régional des urgences à l'Organisation mondiale de la santé après audience à la primature ce lundi. Les gestionnaires des comptes publics restent réticents et ignorants quant au dépôt des comptes audités par la Cour des comptes, a informé ce lundi le président de cette cour à l'hémicycle de Kigobe. Des enseignants de la province Bubanza envoyés en retraite disent-ils illégalement réclament 3 mois d'arriéré de salaire. Et le Burundi vient de s'incliner face au Lion de la Teranga par 1-0 lors des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kougimane. Bienvenue encore une fois. Savoir les causes de non-dépôt des comptes à temps par les services publics pouvant passer plus de 10 ans. Savoir les forces et la manière dont la Cour des comptes exerce ses activités. La certification des comptes sont quelques-unes des inquiétudes des députés adressées ce lundi au président de la Cour des comptes lors de la présentation du rapport des réalisations pour l'exercice 2023. Généreuse Kiago, président de la Cour des comptes, a précisé qu'au mois d'octobre, il est prévu une rencontre avec différentes institutions pour échanger sur la façon de travailler afin de voir comment présenter les rapports à temps. Il a en outre informé qu'il y a réticence et ignorance chez certains des gestionnaires des comptes publics. On l'écoute dans cette traduction française de Francine de Hokubgayo. Même si vous êtes beaucoup plus revenu sur une mauvaise collaboration entre la Cour des comptes et les institutions, moi je ne le dirai pas ainsi. Excusez-moi. À titre d'exemple, quand on va auditer ces institutions, ils nous montrent tout ce que l'on demande. On nous montre les erreurs et les malfaçons. C'est pour cela que nous parvenons à avoir des rapports à vous envoyer. La collaboration est très bonne. Ce que je pense sur le problème de non-dépôt des comptes, la première chose, comme vous l'avez dit, il y a la réticence. La deuxième chose, c'est l'ignorance des gestionnaires de ces comptes de l'État. Parce que, par exemple, nous avons écrit à certains. On leur a demandé de nous envoyer les comptes des exercices. Ils sont alors allés dans leur banque. Ils nous ont donné des numéros. Ils nous ont donné des numéros des comptes de leurs services et les montants sur ces comptes. Voyez-vous vous-même qu'il y en a qui ne le savent pas. Vous demandez quoi faire pour que les services publics connaissent les notions de compte. On vous a dit que la Cour des comptes a pris l'initiative d'organiser des ateliers de sensibilisation et pour le faire à plus de 200 services, ça demande énormément de moyens. Le PNUD a promis de nous appuyer. On le mettra en œuvre. Et la faiblesse dans l'accomplissement de ces missions de contrôle financier des services publics, la quasi-absence de dépôt des comptes des services publics à cette cour et l'insuffisance des ressources humaines et financières sont quelques contraintes rencontrées par cette cour dans l'exercice de leur mission, a ajouté la présidente de la Cour des comptes. Page santé de cette édition, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, apprécie l'intervention du Burundi dans la lutte contre le monkeypox. Sur 404 testés positifs, aucun décès n'a été déclaré. Ceci a été dit ce lundi par Abdoub Salam Gueye, directeur régional des urgences au sein de l'OMS, après audience avec le Premier ministre ce lundi, tout en soulignant que pour l'épidémie soit toujours contrôlée, il faut un système de surveillance rapide permettant de détecter facilement les cas. Il a interpellé les compagnies qui ont la capacité de fabriquer des traitements d'accélérer le processus. On l'écoute. Nous avons d'abord apprécié l'intervention de la République de Burundi en ce qui concerne cette épidémie. Le pays a répondu de façon rapide et de façon transparente. On fait une déclaration de l'épidémie et jusqu'à présent, tous les cas en tout cas, ont été déclarés au niveau de l'Organisation mondiale de la santé conformément au règlement sanitaire international. Le pays aussi travaille à soulager ceux qui sont malades. Sur les presque 400 personnes qui ont été testées positives, on n'a pas eu un seul cas de décès, ce qui est exceptionnel. Nous saluons aussi l'aspect multisectoriel de l'intervention burundaise qui regroupe non seulement le ministère de la Santé, mais beaucoup d'autres ministères au sein du gouvernement. L'engagement du gouvernement burundais à donner aussi de l'argent au niveau de la réponse a été remarqué par l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'à présent, on a eu une mobilisation de la communauté internationale pour aider tous les pays qui sont les plus concernés. On sait que pour cette épidémie et pour le moment, c'est la République démocratique du Congo et le Burundi qui ont le plus besoin. L'Organisation mondiale de la santé appuie le Burundi dans beaucoup de cadres. Pour arrêter cette épidémie, ce qu'on a besoin, c'est de faire un système de surveillance qui nous permet de détecter très rapidement les cas, de les isoler pour qu'ils ne le transmettent pas à d'autres. On doit aussi avoir les capacités de traiter les cas. Aujourd'hui, tous les cas qui ont été recensés au Burundi sont en train d'être traités. Il faut aussi une communication vraie à la population pour leur dire ce qui est en train de se faire et comment ils peuvent faire pour se protéger. Le directeur régional de l'OMS, dont les propos ont été recueillis par Onela Mucho. Poursuivant cette édition, certains habitants de la capitale Bujumbura trouvent que le manque d'enseignants, de livres et bancs pupitres qui s'observent encore sur certains établissements scolaires publics a fait que les élèves reçoivent une éducation qui laisse à désirer. Au moment où nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, ces citadins demandent au gouvernement de fournir plus d'efforts pour résoudre ces problèmes. Suivez ce micro-baladeur. Dans certaines écoles, les élèves sont très nombreux. Ils peuvent s'asseoir étant à 5 sur un banc pupitre, comme le cas d'une école qui se trouvait près de chez nous. Dans le cas où ils sont nombreux, ce n'est pas facile pour eux de lire les livres. Le professeur ne peut pas tous les suivre. Il y en a qui rentrent ainsi à cause de ce nombre. Dans ce cas alors, il y a un enfant qui n'est jamais suivi. L'année peut s'écouler ainsi et il échoue faute de suivi alors qu'il aurait pu réussir. C'est vrai, il y a certains endroits où il s'observe un manque de personnel enseignant. Pour le cas d'espèce, les professeurs sont appelés à effectuer la double vacation à cause du nombre élevé des élèves. Par conséquent, les professeurs enseignent très mal à cause de la fatigue. Il faut construire beaucoup d'écoles dans les quartiers pour qu'on puisse avoir accès à une école après une marche de 20 minutes au maximum. C'est nécessaire qu'on augmente les bancs pupitres pour que les élèves suivent les cours étant bien assis. Car s'ils sont à 4 ou 5 sur un banc, ils dérangent et ne suivent pas bien les cours. Même le nombre de professeurs devrait être augmenté. L'autre chose que je suggère, c'est de revoir les prix des cahiers, ainsi que les livres. Qu'ils revoient à la baisse les prix des cahiers, car les gens n'ont pas les mêmes moyens. Les enfants des démunis risquent d'abandonner l'école, faute de matériel. Et les enseignants de la province Boubanza envoyés en retraite au mois de juin 2023, mais qui ont eu des lettres de mise en retraite après, réclament jusqu'à présent 3 mois derrière et 2 salaires, puisqu'ils n'ont pas touché, disent qu'ils ont été envoyés en pension de façon illégale. Les détails avec Spescaritas Cabagnana. Ces enseignants partis à la retraite au mois de juin 2023 dénoncent les irrégularités qui ont caractérisé cet arrêt de service et disent même qu'ils ont été renvoyés, comme le précise l'un d'eux. Les retraités du 30 juin 2023, ils ont été surpris, ils ont été renvoyés de la fonction publique parce que dire qu'ils ont, ils sont partis à la retraite, c'est vraiment difficile. Je me dis qu'ils ont été renvoyés parce que normalement, selon la loi, quelqu'un qui va à la retraite, il est averti une année avant d'aller à la retraite. Nous avons reçu les lettres de mise à la retraite au mois de septembre 2023, alors que nous avons été renvoyés le 30 juin 2023. Raison pour laquelle nous disons que nous avons été renvoyés de la fonction publique et non mis à la retraite. Il réclame 3 mois de salaire qu'il devrait toucher. Nous voudrions demander alors que cette mise à la retraite suive le cours normal. Pour dire quoi? Nous avons été renvoyés au mois de juin 2023. Nous demandons que le mois de juillet 2023, le mois d'août 2023 et le mois de septembre, que nous soyons payés comme les autres fonctionnaires parce que nous sommes supposés être au travail, parce que nous n'avions pas eu encore les lettres de mise à la retraite. Ces enseignants ont même écrit un mémorandum au président de la République au début de cette année, lui demandant de les rétablir dans leurs droits, mais ils disent qu'ils attendent la réponse jusqu'aujourd'hui. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h12 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Le corps d'un homme décédé depuis une semaine suite aux coups et blessures n'est pas encore enterré. Faute de moyens, sa famille demande que des enquêtes soient menées pour identifier et punir ceux qui l'ont tabassé afin que même payent les frais funéraires et la facture de l'hôpital. La victime étant originaire de la commune Bugendana, mais il a été tabassé à la colline Rukoba de la commune et province Gitega le 19 août dernier. Le chef de cette colline, Rukoba, admet qu'il a été tabassé sur sa colline, mais dit qu'il ne sait rien de la mort de cette personne. Une correspondance signée, Gérard Nibigira. Ndabemeye Vital, natif de la colline Mourire, sous colline Mourire, commune Bugendana, province Gitega, est décédé lundi dernier, le 2 septembre, à l'hôpital Bethany, ici dans la ville de Gitega, comme l'indique son oncle maternel, pasteur Ndouayo Edouard de la colline Rukoba, commune province Gitega. Pasteur Ndouayo Edouard souligne que fait son neveu est venu le rendre visite à Rukoba et que malheureusement il est tombé dans un groupe de gens qui l'ont gravement tabassé, l'accusant d'être voleur. Le lendemain, il a été découvert agonisant à la colline Mutobo, commune Guieta, province Gitega. Colline Mutobo étant frontalière à la colline Rukoba, si aussi c'est au moment où le chef de zone Mourire, le chef de colline Mourire et le chef de la sous-colline Mourire, commune Bugendana, province Gitega, ont sorti un document signé par tous les trois qui atteste que Fe Ndabemeye Vital était une personne la plus honnête et la plus intègre de cette localité. Cela étant, Pasteur Ndouayo Edouard mentionne qu'il l'a amené à l'hôpital de Bethany le 22 août dernier, mais au lieu que sa santé s'améliore, elle s'est plutôt détériorée et il a fini par mourir. Mais une semaine après sa mort, il n'est pas encore enterré faute de moyens, indique son oncle, pasteur Ndouayo Edouard. Il ajoute que son garde malade a fui l'hôpital pour cause de manque d'argent pour payer la facture de l'hôpital. Ainsi donc, la famille du défunt demande que les enquêtes soient menées pour identifier les gens qui l'ont tabassé afin qu'ils soient punis conformément à la loi et qu'ils payent les frais funéraires et les frais de l'hôpital. De son côté, le chef de la colline Rukoba dit qu'il est au courant que la victime a été frappée, mais qu'il ne savait pas que la mort s'en est suivie. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isangani. De Gitega, randonnant en province de Louis-Guissé à l'est du pays pour parler justice transitionnelle. Trois hommes de la commune Bgeru en cette province de Louis-Guissé ont publiquement demandé et obtenu pardon pour des personnes qu'ils ont tuées lors de la crise de 1993. De sa part, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Nakarutimana, a remercié ceux qui ont osé demander pardon ce dimanche. C'était lors des cérémonies du Festival de justice et paix célébré ce dimanche à la paroisse catholique d'Okirambi dans cette commune d'Obgeru. Une correspondance signée Jean-Claude Chimiliman. Trois hommes, Diomède Ndaizeye qui réside à la colline Nyange en commune Butaganzwa, Jean Baligwegure de la colline Gashurushuru en commune Butezi et Juvenal Sumiyongo résident à la colline Ruvyagira en commune Bweru sont ceux qui ont publiquement demandé pardon pour les personnes qui les ont tuées lors de la crise qu'a connue le Burundi à partir d'octobre 1993. Ceux qui ont accordé pardon se sont ainsi exprimés. Parmi ceux qui se sont exprimés, certains proposent aux citoyens burundais qui n'ont pas étudié à ne pas se mêler de la politique. Dans son discours, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Nakarutimana, remercie ceux qui ont eu le courage de demander publiquement pardon pour le sang versé. Sabine Nakarutimana précise en outre qu'aucun parti politique ne peut mobiliser ses partisans à commettre des atrocités. Pour cela, elle invite les Burundais à comprendre que ce sont les mauvaises politiques qui tuent et non les partis politiques. Vous saurez que cela s'est passé ce dimanche à la paroisse catholique d'Okirambi en commune Bweru de la province Ruigi lors du festival de justice et paix organisé par le diocèse de Ruigi. Jean-Claude Nshimirimana depuis Kirambi au chef-lieu de la commune Bweru. Jean-Claude page sportive de cette édition. L'équipe nationale Intamba Murugamba vient de s'incliner par un but à zéro face au Lion de la Teranga du Sénégal lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les Hirondelles avaient battu jeudi de la semaine écoulée la sélection de Malawi 3-2 au moment où le Sénégal avait égalisé un but partout avec le Burkina Faso. Et 12 joueurs de badminton, dont 6 garçons âgés de 16 à 25 ans, qui ont été premiers dans le championnat national, vont bénéficier de l'encadrement spécial dans le but de bien représenter le pays dans les compétitions internationales. Lors de la clôture de ce championnat ce dimanche, François Ndondo, président de la Fédération burundaise de badminton, a indiqué qu'ils vont augmenter le nombre de compétitions dans le but de croître le niveau des joueurs. Radio Isanganiro, chronique sport. La nouvelle loi numéro 4 régissant le football qui a été modifiée par des experts de la FIFA indique que seul un capitaine de l'équipe a le droit de réclamer lorsqu'il y a des infractions commises dans le terrain. Évariste Murengira Ntwari, président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir que lorsque le capitaine est en même temps gardien de but, l'arbitre doit être informé avant le match du nom du joueur qui doit faire des réclamations. Jean-Marie Vianney, Ngindakuman. Selon cette nouvelle loi légissant le jeu de football, un capitaine de l'équipe doit porter un blassard d'une seule couleur sur lequel est inscrit le nom capitaine en toutes lettres ou abrégé en lettres C. Explication de Variste Murengira Ntwari, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Pour l'équipement du capitaine, il doit porter un brassard d'une seule couleur sur lequel est inscrit capitaine en toutes lettres ou abrégé en lettres C. Contrairement à ce que nous voyons dans les jours passés, où le capitaine pouvait porter un brassard multicolore, maintenant, la FIFA dit que le brassard doit être d'une seule couleur, avec mention C, la lettre C, ou alors le capitaine qui est écrit en toutes lettres. Ce brassard peut être donné par l'organisateur de la compétition ou autorisé par le même organisateur. Le président de la commission chargée d'arbitrage à la FFB indique que cette loi stipule que seul le capitaine de l'équipe a le droit d'approcher l'arbitre dans le cadre de réclamation. Il ajoute que si l'autre joueur approche l'arbitre est collé par un carton jaune. Aujourd'hui, c'est le seul capitaine qui est habilité à approcher l'arbitre pour une réclamation. Il peut arriver que le capitaine soit le gardien de l'équipe. Traverser alors le terrain pour aller réclamer ce qui se fait dans l'autre surface de réparation, donc surface de réparation adverse. On nous dit que on peut désigner un autre joueur qui pourra faire ses réclamations à la place du capitaine. Et ce joueur-là doit être communiqué aux arbitres avant que le jeu ne commence. Si tu approches l'arbitre pour réclamation alors que tu n'es pas désigné, donc l'arbitre a la prérogative de vous coller un carton jaune pour un comportement antisportif. Ceci est venu dans le sens de protéger les arbitres. Mais cela n'empêche que l'arbitre peut être approché par un joueur quelconque et lui expliquer ce qui s'est passé. L'essentiel est de voir le tempérament de son joueur, s'il est venu avec agressivité ou pas. C'est à vous d'apprécier et comme ça le jeu continue. Si l'individu n'est pas agressif, on peut lui expliquer ce qui s'est passé. Mais s'il quitte son emplacement, sa position pour venir contester avec acharnement, là, il doit retourner en arrière avec un carton jaune. Évariste Murengira Ntwari indique que cela va faciliter le travail des arbitres et la diminution des agressions qui s'observaient contre eux plus souvent. Ça va faciliter le travail des arbitres. Peut-être qu'il y aura moins d'agressions sur le terrain, mais ce périmètre sera déterminé par chaque fédération. La FIFA a mis en place la loi et a laissé aux fédérations la prérogative de déterminer ce périmètre autour de l'arbitre. C'est selon l'attitude du public face au championnat que vous organisez. Il y a des pays où on voit des publics très agressifs. L'autre aspect est que chaque fédération va désigner un périmètre autour d'un arbitre que les joueurs ne devront pas dépasser. Évariste Murengira Ntwari précise que lorsqu'un joueur a besoin de se parler avec un arbitre, il a le droit de le faire, mais pas dans le cas de réclamation. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Kougimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.